Il n'y eut pas jusqu'à monsieur l'intendant royal qui, persuadé du bon droit du capitaine, ne se dit in petto « Mais quoi ?» Hervé de Vaunois reprit son sourire. « Mon jeune ami, dit-il, l'emportement nuit parfois et ne sert jamais. À mon âge, on ne parle pas à la légère. Croyez-moi, l'héritage de Nicolas Trémel, dont Dieu puisse avoir l'âme loyale en son paradis, ne vous fera pas bien riche. » Le capitaine sentit le rouge de l'indignation lui monter au visage. Il s'approcha de manière à n'être entendu que de Vaunois. « Il y a sous votre toit, dit-il d'une voix contenue et que la colère faisait trembler, une personne que je respecte autant que je vous méprise, que j'aime autant que je vous hais. Rendez grâce à Dieu de posséder une pareille égide, monsieur, car je vous connais, je porte les traces de vos traîtreuses attaques. Je sais combien de fois vous avez tenté de m'assassiner. Je sais que cette nuit encore... » « Que ne parlez-vous, oh, monsieur mon cousin ?» demanda Vaunois qui fit appel à toute son effronterie. « Misérable ! » poursuivit Georges sans élever la voix. « Tu sais bien que ta fille est entre nous, ta fille qui est aussi sainte que tu es toi, impure et souillée. Je ne dirai rien, mais tu es ici chez moi, et à tout le moins, je puis te faire chasser par les soldats sous mes ordres. » Vaunois fit un salut ironique. « Mademoiselle ma sœur, dit-il, et vous, monsieur l'intendant, veuillez excuser notre entretien secret. Je vais du reste vous mettre au fait. Mon jeune cousin, pour premier acte de bonne parenté, me menace de me faire chasser de chez moi par les soldats de sa majesté. » « En vérité, répliqua Béchamel pour dire quelque chose. « Est-il possible ? » déclama mademoiselle Olive, qui voulait avoir l'air de comprendre. « Il n'y a point entre nous de bonne parenté, monsieur, » reprit Didier en faisant effort pour concentrer sa colère au-dedans de lui-même. « Je vous menace en effet de vous chasser, mais non pas de votre maison, car ce château est ma propriété. « Pour ça, tu peux en faire serment, mon enfant chéri, » murmura la dame Gothon-Réoux. « Oui, da, » s'écria Vaunois en ricanant. « Vous croyez cela ? Eh bien, mon jeune cousin, vous êtes dans l'erreur. » « Permettez que je m'absente une minute, le temps d'aller jusqu'à mon cabinet, et je reviendrai vous apprendre une foule de choses que vous paraissez ignorer. » Il salua et sortit. Le capitaine demeura indécis et ne sachant plus trop sur quoi compter. Béchamel, l'officier aîné et mademoiselle Olive se formèrent en groupe afin de gloser à leur aise sur cet événement étrange. Pendant que chacun était ainsi diversement occupé, la figure noircie du charbonnier Pellerouan se montra sur le seuil. Il tenait sous son bras un petit coffre de fer, tout rongé par la rouille. La vieille Gothon seule l'aperçut et fit un mouvement de surprise. Mais Pellerouan mit un doigt sur sa bouche. Pello se glissa dans l'ombre projetée par l'un des hauts battants de la porte ouverte. Presque au même instant, Monsieur de Vaunois reparut, suivi de maître Alain. Il avait à la main un parchemin déplié. « Mon jeune ami, » dit-il d'un air d'insolent triomphe, à peine tempéré par son habitude d'hypocrite courtoisie, « je vous prie humblement de m'excuser si je vous ai fait attendre. Veuillez prendre connaissance de cet écrit. » Le capitaine prit le parchemin et lut. C'était l'acte de vente écrit tout entier de la main de Nicolas Trémel et confié par ce dernier à Hervé de Vaunois. En lisant, Georges devint pâle. « Il paraît, » murmura Béchamel, « que cet écrit ne fait point plaisir au jeune homme. Mais comment diable ressaisir mes 500 000 livres ?»« Chut !» fit mademoiselle Olive avec beaucoup d'importance. « Monsieur, » dit le capitaine après un silence, « il y a en tout ceci quelque odieuse machination que je ne comprends pas. Comment vous, pauvre et nourri des bienfaits de mon aïeul, avez-vous pu acheter et payer son domaine ? L'économie, mon jeune ami, répondit Vaunois en raillant. Avec de l'économie et quelques tritures des affaires, on accomplit des choses réellement surprenantes. Mais là n'est pas la question, et j'espère qu'il ne vous prendra plus la fantaisie de me menacer. Voulez-vous que nous fassions la paix ? « Jamais !» s'écria Georges en repoussant la main que Vaunois lui tendait. « Je puis vous épargner pour l'amour de votre fille. Je puis mettre un voile sur vos infamies. « Monsieur mon cousin, » dit Vaunois en se redressant, « toute patience a un terme.